Chapitre 27e. Pour mettre l'arme sur l'épaule droite, c'est bien simple, vous la tournez avec la main gauche, la platine au-dessus. Vous la saisissez en même temps avec la main droite et vous la portez sur l'épaule, la main gauche ne quittant pas la poignée, le chien en dessus, le canon en l'air. Vous placez la main droite sur le plat de la crosse et vous rejetez la main gauche dans le rang. Est-ce compris ? Entre le Luxembourg et l'avenue de l'Observatoire, quelques jours après l'investissement, une compagnie de gardes nationaux faisait l'exercice sous la direction d'un sergent instructeur. Il y avait là des professeurs, des artistes, des boutiquiers. Leurs figures éveillées ou placides, narquoises ou graves, se contractaient avec un effort comique pour prendre un air militaire. Le sergent avait lui-même exécuté le mouvement et surveillait de l'œil les hommes auxquels il inculquait les principes du maniement d'armes. « Attention !» reprit-il d'un ton de commandement. « L'arme sur l'épaule, droite !» Numéro 5, qu'est-ce que fait là votre main gauche? Dans le rang, et vivement! Vous manœuvrez comme un pierrot! » L'infortuné numéro 5, auquel s'adressait cette objurgation, n'était autre que Joseph Toussaint. Sanglé dans son ceinturon, le képi posé trop en arrière, il avait la mine aussi peu martiale que possible. Il semblait du reste prêter une médiocre attention à la semonce du sergent. Ses yeux écarquillés suivaient curieusement une femme dont on voyait la robe sombre glisser entre les arbres de l'avenue. « Elle ressemble à Angèle, pensait-il. » Si la discipline l'eût retenu, il aurait jeté là son fusil pour courir après l'inconnu. Il ne la quittait pas du regard, craignant à chaque instant de perdre sa trace. Heureusement, le sergent, ayant commandé de mettre les armes en faisceau, accorda un repos d'un quart d'heure. Toussaint s'élança dans la direction de la promeneuse, la dépassa, et se retournant, poussa une exclamation. « C'était donc bien vous. Je ne m'étais pas trompé. » « Mon bon Joseph !» s'écria Angèle en lui tendant la main. Puis, l'ayant examiné, un sourire malicieux retroussa l'un des coins de sa bouche et illumina un moment sa figure. « Comme vous êtes drôle sous cet accoutrement, je ne vous aurais pas reconnu. » Elle aussi était changée. Ses joues étaient creuses et elle avait pâli. Elle frissonnait dans le frais du matin sous sa mince robe d'Orléans noir. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Toussaint. « Je ne pouvais pas laisser ma mère seule. J'aurais trop souffert là-bas. De cette façon, au moins, nous serons l'une près de l'autre pour supporter ce qui arrivera. Pauvre Paris, » ajouta-t-elle avec un soupir. « Oui, il s'est passé de terribles choses depuis. » Joseph s'arrêta et Angèle rougit. « Depuis une bonne journée de Vélizy, » reprit-elle, « quand je pense que ces affreux Prussiens sont campés dans cette petite maison où j'ai vécu si heureuse, cela me fait saigner le cœur. » « Des armoises est parti, lui, » dit Joseph avec une attention amère, dont il se repentit presque aussitôt. Il s'est mis à l'abri avec tous les siens. Angèle détourna la tête. Mon instinct ne m'avait pas trompé, poursuivit Toussaint en s'animant. C'est un égoïste. Elle se retourna brusquement et lui saisit le bras. Ne me dites pas de mal de René, je ne veux pas en entendre. Vous l'aimez toujours? S'exclama Joseph avec stupéfaction. Toujours. Il ne faut pas mesurer René à l'aune de tout le monde. « Les vrais poètes sont une race à part. »« Oui, » interrompit Joseph, « une race qui est de la cervelle, à la place du cœur. »« Ils sont ceux qu'ils doivent être. » continua Angèle en s'exaltant. « Et les femmes qu'ils ont aimées ne restent pas moins fières d'avoir occupé leurs pensées. »« D'ailleurs, » ajouta-t-elle, comme si elle eût compris elle-même qu'il fallait trouver une excuse pour justifier la conduite de René, « si les choses ont tourné ainsi, c'est que je l'ai voulu. Ce n'est pas lui qu'il faut accuser. » Et je lui serai toujours reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi. Qu'étais-je avant de le connaître? Une pauvre petite provinciale ignorante. Son amour m'a transformée. À Liège, c'était le souvenir de cet amour qui m'aidait à supporter les ennuis de l'exil. Vous avez passé là-bas de tristes moments? Demanda Joseph pour changer de conversation. Oui, tout n'y était pas rose. Petit à petit, poussée par son humeur expansive, elle lui conta les déboires de ses débuts. L'établissement où elle avait été engagée était un véritable café-concert. On y donnait deux représentations par jour, il se couchait à minuit, rompu de fatigue. Les femmes qui composaient la troupe étaient jalouses de sa beauté et lui rendaient souvent la vie dure, et puis il n'avait que de pauvres toilettes. Le directeur ne se gênait pas pour lui reprocher sa mise trop simple et pour lui laisser entendre qu'elle était trop honnête. « Malgré tout, » dit-elle, il se glissait encore des heures amusantes dans cette existence de bohème. Le matin, quand nous étions toutes réunies, après déjeuner dans la salle commune, nous trouvions le moyen de rire en raccommodant nos costumes et en lisant tout haut les billets doux que nous avions reçus. Il y en avait de drôles, allez. On sentait que les côtés étourdis et insouciants de son caractère s'étaient encore développés dans le monde peu scrupuleux au milieu duquel elle avait vécu. Elle avait conservé sa façon légère et souriante d'envisager les choses les plus pénibles. Pourtant, à ses yeux cernés et à certains plis de ses lèvres, Joseph devinait qu'elle avait dû passer plus d'une nuit à pleurer. Le tambour donna tout à coup le signal de la reprise de l'exercice. « Il faut que je vous quitte, » s'écria le jeune homme en lui serrant la main. « À bientôt, » lui dit-elle. « Venez nous voir de notre nouveau gîte. » Il y alla dès le lendemain. La mère Sénéchal avait quitté l'appartement de la rue de Rennes, devenu trop cher pour sa bourse de moins en moins garnie. Le logement qu'elles occupaient rue du Dragon, sur la cour, était composé d'un cabinet obscur servant de cuisine, d'une salle à manger où se trouvait dissimulée l'alcôve de Madame Sénéchal et d'un grand salon où couchait Angèle. On avait rassemblé dans cette dernière pièce les plus présentables débris de l'ancien mobilier de la rue de Savonnières. Au-dessus d'une Vénus de Milo en plâtre était accroché comme une relique un gros bouquet de roses desséchées. Dans les vases de la cheminée, il y avait de tout. Des broderies inachevées, des rubans fanés, un jeu de piquet, souvent consulté, car ni Angèle ni sa mère n'avaient perdu leur foi dans la vertu des cartes. Quand Joseph entra, Angèle prenait son chocolat, coquettement servi par la mère Sénéchal dans l'unique tasse de vieux Japon et avec la petite cuillère d'argent réservée à l'usage de sa fille. « Vous me surprenez, » dit Angèle, « dans un de mes rares moments de magnificence. J'aime ce déjeuner servi de cette façon. Je me crois riche. L'argenterie, la porcelaine du Japon, tout y est. » Elle se mit à rire en ajoutant avec un grand sérieux. « Je t'en prie, maman, range ce papier rose qui traîne sur le dressoir. Il nuit à l'illusion. » En effet, cela y nuisait fort, car le papier rose était une reconnaissance du monde de piété. À la figure embrunie de Madame Sénéchal, Joseph comprit que le ménage était dans une situation difficile. Il s'en aperçut mieux encore lorsque, redevenu le visiteur familier du pauvre intérieur, il fut initié aux batailles livrées en secret par Madame Sénéchal pour assurer à sa fille le pain quotidien. Les deux femmes vivaient de travaux à l'aiguille, et depuis le siège, c'était une besogne aussi rare que mal payée. Lorsque le gouvernement de la Défense organisa l'équipement des gardes nationaux, elles trouvèrent un peu plus d'occupation. On leur donnait à coudre des vareuses et des capotes, et elles gagnaient ainsi péniblement quelques sous nécessaires à leur entretien. De temps à autre aussi, Angèle, grâce à l'agence Massador, obtenait un cachet pour un café-concert ou un petit théâtre, où elle récitait des vers patriotiques devant un auditoire de mobiles et de gardes nationaux. Ces cachets étaient pauvrement payés, mais le public naïf et facilement inflammable dédommageait Angèle en bravo. Un soir même, dans un moment d'enthousiasme, l'auditoire se cotisa pour lui offrir un magnifique lapin vivant et enrubanné, qu'elle rapporta en éclatant de rire rue du Dragon. À cette époque du siège, un lapin n'était déjà plus un cadeau à dédaigner, et la mère Sénéchal accueillit joyeusement cette aubaine, qui la dispensait de faire pendant 2 jours la queue aux boucheries. Malgré toutes ces ressources combinées, les deux femmes avaient grand-peine à vivre et des dettes criardes s'accumulaient. Quand un créancier se montrait trop inquiétant, la bonne dame se levait de grand matin et passait en revue son chétif mobilier en se demandant d'un air désespéré ce qu'on pourrait bien vendre encore. Elle finissait par mettre la main sur quelques reliques oubliées, un vieux bijou, un couvert d'argent dépareillé. Elle l'emportait mystérieusement, puis revenait radieuse après avoir soldé le créancier récalcitrant. Et elle rapportait à Angèle une friandise pour son déjeuner. Celle-ci, habituée aux façons de sa mère, devinait ce qui venait de se passer. Elle ne la questionnait jamais. Elle se contentait de regarder le tiroir d'où l'objet vendu avait disparu et de soupirer avec un sourire triste. « Oui, mais quand il ne nous restera plus rien ?»« Rien, et ton talent, ma fille ?» répondait sérieusement sa mère. « N'est-ce pas encore une fortune ?»